Litanie du glorieux saint François de Sales, évêque et prince de Genève, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Litanie du glorieux saint François de Sales, évêque et prince de Genève. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos. Pater de celis Deus, miserere nobis, Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Sancte Francisque dignissime pontifex, ora pro nobis. Sancte Francisque dilecte Deo, ora pro nobis. Sancte Francisque Iesu Christi imitator, ora pro nobis. Sancte Francisque Spiritus Sancti donis abundans, ora pro nobis. Sancte Francisque genitricis Dei carissime, ora pro nobis. Sancte Francisque Crucis Christi amantissime, ora pro nobis. Sancte Francisque Divine Voluntati conjunctissime, ora pro nobis. Sancte Francisque Vas Electionis, ora pro nobis. Sancte Francisque Templum Religionis, ora pro nobis. Sancte Francisque Lumen Ecclesiae, ora pro nobis. Sancte Francisque Fons Sapientiae, ora pro nobis. Sancte Francisque Catholicae Fidei Propugnator, ora pro nobis. Sancte Francisque Pastor Bone in Populo, ora pro nobis. Sancte Francisque Predicator Egregie, ora pro nobis. Sancte Francisque Aeresis Profligator, ora pro nobis. Sancte Francisque Sal Terrae, ora pro nobis. Sancte Francisque Regula Justitiae, ora pro nobis. Sancte Francisque Speculum Humilitatis, ora pro nobis. Sancte Francisque Amator Paupertatis, ora pro nobis. Sancte Francisque Idea Mansuetudinis, ora pro nobis. Sancte Francisque Mundi Contemptor, ora pro nobis. Sancte Francisque Carnis Triumphator, ora pro nobis. Sancte Francisque Daemonum Debellator, ora pro nobis. Sancte Francisque Adiutor Poenitentium, ora pro nobis. Sancte Francisque Peccatorum Refugium, ora pro nobis. Sancte Francisque Sublevamen Pauperum, ora pro nobis. Sancte Francisque Afflictorum Remedium, ora pro nobis. Sancte Francisque Forma Perfectionis, ora pro nobis. Sancte Francisque Arca Sanctitatis, ora pro nobis. Sancte Francisque Angelicae Puritatis Imitator, ora pro nobis. Sancte Francisque Sapientia Cherubim, ora pro nobis. Sancte Francisque Amor Seraphim, ora pro nobis. Sancte Francisque Patriarca Noster, ora pro nobis. Sancte Francisque Lux Noster, ora pro nobis. Sancte Francisque Dux Noster, ora pro nobis. Sancte Francisque Protector Noster, ora pro nobis. Sancte Francisque Refugium Nostrum, ora pro nobis. Sancte Francisque Institutor Virginum, ora pro nobis. Sancte Francisque Concivis Sanctorum Omnium, ora pro nobis. Antienne. Ad te recurimus dulcissime pater Francisque, deprecationem filiarum tuarum ne despicias sed tuum nobis iugiter impende benignus auxilium, ora pro nobis beate pater Francisque, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Respice, quae sumus amantissime pater, super nos familias tuas, pro quibus tot labores subire dignatus, quas salutaribus instruxisti disciplinis easdem coelestibus precum tuarum, succure benignus auxiliis, ut sicut perfectum vitae tramitem te docente vovimus, ita eumdem perfirmissimos gressus te orante sequamur. Fin de litanie du glorieux Saint François de Sales, évêque et prince de Genève.